c'est le temps de la mort, pays des cités d'or. Sous les murailles aztèques, y'a des centaines de corps. Pour contenter les dieux, on fait des trucs affreux. Des milliers d'enfants jetés dans le néant. Le mal contre le mal, l'état des choses où le bien n'existe pas. Délire post-féodal, voici la vraie histoire d'elle. Garnison, ils arrivent par millions. Leur nouvelle religion et leur inquisition distillent leur poison au cœur de nos maisons. Le mal contre le mal, état des choses où le bien n'existe pas. Délire post-féodal, voici la vraie histoire d'elle, America. Moyen-Âge, mais qui sont les sauvages? Mais où sont donc les sages? Le sang et la sueur, la violence et la peur, religion et terreur, pour arracher nos cœurs. Le mal contre le mal, état des choses où le bien n'existe pas. Délire post-féodal, voici la vraie histoire d'elle, America. Le mal contre le mal, état des choses où le bien n'existe pas. Délire post-féodal, voici la vraie histoire.